conférence de presse hier à Robertval pour présenter les grandes lignes de la traversée internationale du Lac-Saint-Jean. Question de savoir un peu comment ça s'est passé. On parle avec la présidente Ginette Fortin. Salut Ginette! Salut, Ginette, c'était il y a encore une fois cette année une belle brochette de nageurs qui vont être à Robertval. Oui, absolument. On est très, très satisfaits. On a eu des belles inscriptions puis on a choisi les meilleurs de tout ce gang-là. Ça fait qu'on aura 25 nageurs au départ, 15 hommes, 10 femmes, 13 pays représentés. Donc, on est très, très heureux. Le fait qu'on l'a annoncé sur le tard que Manfred Magog abandonnait les nageurs de la finale, ça n'a eu aucun impact. Hein? Ben, à ce jour, ça n'a pas eu d'impact. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'on n'en aura pas. C'est sûr que nous autres, on souhaite avoir le moins d'impact possible, puis s'il n'y en a pas, prend tout, ça va être encore mieux. Remarque, c'est peu probable. Il y aura sûrement quelques nageurs peut-être qui se désisteront parce qu'ils voulaient faire les jeux, puis là, ils peuvent plus. Mais, tu sais, ils ont encore beaucoup de temps pour nous faire part de leur décision, là. Tu sais, nous autres, on a envoyé l'invitation comme de quoi qui était accepté. Magog, eux autres, leur ont envoyé l'invitation à le fait qu'ils se dissociaient, qu'il n'y aurait pas de 34 km, puis qu'ils se dissociaient de la FINA. Donc, le temps que tout ça se brasse, ils sont peut-être dans des compétitions à ce moment ou à l'entraînement. Fait que dans quelques semaines, on peut avoir de l'information, mais on va voir ce que ça va donner. Écoute, c'est vraiment de l'inconnu pour nous. OK, autres, OK. À ce moment-là. Dis-moi, il y a un Québécois qui est là, qui est Gabriel Turcotte, c'est ça? Gabriel Turcotte, oui. C'est un jeune homme de Québec. Okay. Oui, lui, il en fera sa première participation aux 32 km. Okay. L'année passée, il avait fait les 3-10 km FINA. Il avait fait Robertval, Magog et Mégantic. Puis cette année, il plonge dans le 32 km. Fait que, il y a trois autres Québécois qui vont être là. Bien entendu, il y a Sabrina Lavoie d'Alma. Il y a Philippe Guertin. Et il y a Xavier Desharnais, là, qui va venir sûrement défendre son titre de champion l'an passé. Si on parlait maintenant de Sabrina Lavoie, c'est la seule participante provenant de la région. L'année passée, je ne m'abuse, il y en avait une aussi. Est-ce que tu es déçu de ces cycliques, tout simplement? Ça va venir? Ben, de mon expérience, c'est cyclique. Ouais. Donc, il y a été quelques années où on avait plusieurs nageurs régionaux, là, il y en a moins. Mais moi, je pense que ça va revenir. Puis c'est d'ailleurs une des raisons qui nous a incité à mettre sur place la Coupe Espoir Canada. Okay. Tu sais, on donne, avec l'aide d'un commanditaire, on donne une bourse de 5 000 $ justement aux jeunes qui vont participer à faire ces 10 kilomètres-là de relève qui éventuellement pourrait les amener à progresser dans leur entraînement puis les amener à faire du 32 km. T'sais, on veut les aider à poursuivre leur carrière. Fait que on a mis ça sur place. On espère que ça aura des répercussions. En tout cas, là, on a conjointement avec Magog et Mégantic, là, les jeunes qui vont participer aux trois compétitions ou aux deux compétitions, ils accumulent des points. Et ceux qui auront accumulé le plus de points vont se voir distribuer là, cette bourse-là de 5 000 $. Marathon de la relève qui revient aussi. Ça, c'est cette compétition, c'est cette compétition-là que tu parles. Mais il y a une compétition le jeudi, je pense, aussi. Très, très enlevante. Oui. Oui, ça, c'est le 10 km FINA. C'est une c'est l'autre compétition qui est chapeautée, sanctionnée par FINA. Donc, ça, ben c'est les nageurs qui viennent là, ben c'est des nageurs qui souvent se retrouvent aux Olympiques, donc c'est tout le temps une belle course. On ne sait pas encore combien de nageurs on pourra avoir parce que les inscriptions, ça s'échelonne presque jusqu'à la fin juin. Mais dès que ça va être connu, là, qu'on va avoir fait notre sélection, ben on va faire part là de nos listes de départ là, hommes et femmes. Est-ce que cette course-là, c'est quoi? Est-ce que c'est la même que Saint-Thomas? Est-ce que c'est pas mal les mêmes athlètes qu'on peut retrouver à Saint-Thomas? Puis ça peut aider aussi Robert Val? Bien, moi, à Saint-Thomas, je connais pas okay. vraiment ce qu'il y a là-bas. L'année passée, à ma connaissance, c'était plus des jeunes du Québec. Il y avait peut-être une couple de nageurs de l'international, okay. mais eux autres, ils sont pas sanctionnés FINA. C'est sous un autre chapeau. Fait que nous autres, c'est FINA, donc on se doit de respecter les règles de la FINA. Faut sélectionner les nageurs en fond. C'est les fédérations qui inscrivent les nageurs à ce marathon-là. C'est une étape de la Coupe okay. du Monde, ce qui n'est pas le cas pour la CAGIM. Okay. Mais ça enlève rien. C'est une la CAGIM, ce qu'ils font, ben, c'est une compétition en eau libre, puis c'est bon parce que ça amène de l'eau libre ouais, là, ouais. dans notre coin de pays. Ça peut aussi aussi. En terminant, toutes sortes d'activités également pour entourer tout ça, j'imagine, aussi des activités culturelles? Ah, bien sûr, ouais. on a des spectacles tout au long de la semaine. En début de semaine, lundi, mardi, mercredi, ben, ça se déroule au centre-ville, c'est complètement gratuit. Il y a des artistes locaux, il y a de la danse country, de la danse en ligne. Il y a le souper dans les rues mercredi, bien entendu, avec Jérôme Couture qui va faire une partie d'animation musicale. Jeudi, vendredi, samedi, ben, on a nos spectacles là, sur place de la traversée. Nouveauté cette année, sur place de la traversée, on a le chapiteau Rio Tinto okay. Alcan. Les gens vont pouvoir se rendre sous le chapiteau, prendre des billets Rio Tinto. Les gens vont distribuer des billets pour faire tirer un forfait familial, un forfait vacances familial d'une valeur de 1 500 $. Et c'est quelque chose qui va... C'est des activités dans la région du Saguenay, du lac Saint-Jean. Donc, c'est vraiment intéressant. Okay. Aussi, nous autres, on vend des passeports pour à un prix avantageux. C'est 20 $ pour les 3 soirs de spectacle. Hydro-Québec va remettre un macaron lumineux aux 200 premiers détenteurs de passeports à se présenter à chacun des soirs. Et ces gens-là vont avoir la chance de participer à un tirage pour gagner une des 10 paires de lunettes de spectacle, okay. là, de jumelles pour le spectacle. Okay. Là. Fait que, non, puis on a un parc à vélo cette année qui est complètement gratuit, qui est offert par, ça va être sécurisé, et c'est offert là, par Hydro-Québec. Fait que, des petites nouveautés qui sont intéressantes pour les gens. Ben, gros merci, on se reparle prochainement, Ginette. On va sûrement avoir le temps de se parler cet été. Ouais. Bye bye, Danny. Voilà la présidente de la Traversée internationale du Lac Saint-Jean, Ginette Fortin.